Vous avez déjà vu ces travailleurs de force qu'on voit chez nous dans le midi? Un jour, on a voulu en photographier un, en plein effort. On n'a pas pu trouver un appareil assez rapide. Alors ça a donné l'idée à tous ces personnages du midi que vous connaissez à travers les films ou les pièces de Pagnol. Ça a donné l'idée à mon père de les mettre dans une chanson. Et cette chanson, au fil des années, est devenue l'hymne à la fainéantise. Alors pour vous la chanter, je vais aller chercher mon nécessaire de travail. Alors mon père, lui, il avait la chaise, il avait le chapeau, il avait le pastis, il avait le soleil et surtout il avait l'accent. Et moi, malheureusement, l'accent, je l'ai perdu dans les brumes du Nord. Alors je vais vous la chanter quand même avec beaucoup de plaisir et un peu moins d'accent. Elle s'appelle Aujourd'hui peut-être ou Alors demain. Devant ma maison, il y a un pin terrible dont la grosse branche pourrait bien tomber pour mon pauvre toit, quelle belle cible. Cette branche-là, je vais la couper. Aujourd'hui peut-être, ou alors demain, ce sacré soleil me donne la flemme, je la couperai dès après-demain. Et si je peux pas la couper moi-même, je demanderai à l'ami tonneur qui la coupera aussi bien lui-même. Ce n'est pas qu'on soit feignant par ici, mais il fait si chaud dans notre midi. J'ai de beaux lapins, des lapins superbes, mais ils ont toujours envie de manger. Il faut tout le temps leur couper de l'herbe, et je devrais bien leur en ramasser. Aujourd'hui peut-être, ou alors demain, ces sacrés lapins me donne la flemme, je la couperai dès après-demain. Et si je peux pas la couper moi-même, eh bien je lâcherai tous mes beaux lapins qui la couperont aussi bien eux-mêmes. Ce n'est pas qu'on soit feignant par ici, mais la terre est basse dans notre midi. Le soir de mes noces avec Thérèse, quand on s'est trouvé tout déshabillé, en sentant frémir son beau corps de braise, je me suis pensé, je vais l'embrasser. Aujourd'hui peut-être, ou alors demain. les émotions. Moody, ça me rend tout blême. Je l'embrasserai d'elle après-demain. Et si je peux pas l'embrasser moi-même, mais soudain ça m'a pris au petit matin. On est déchaîné chez nous quand on aime. Et deux mois après, j'avais trois petits. Nous sommes les rois dans notre midi.